les avez, les messages? Oui, j'ai tous les messages. Ouais, je Mais sais si vous que... voulez, oui, je vais vous montrer. Mais en Ouais. fait, non, non, mais parce que vous me dites main courante, en fait. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'infraction pénale en fait, monsieur. Mais en fait, c'est une infraction pénale, monsieur. Si moi je tente de rendre quelqu'un coupable, je veux dire, c'est une infraction, bien sûr. Tentative de rendre quelqu'un coupable, c'est une Coupable de. infraction? Bah, quelqu'un Dans le coupable code de pénal? rendre de faits illégaux, bien Vous sûr. l'avez trouvé dans le code pénal? Mais je ne l'ai pas encore cherché, mais Ah si je vais le oui. chercher, je vais le trouver, hein. Ah ouais, essayez de chercher pour voir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je peux faire en sorte que quelqu'un, enfin, essayer de rendre quelqu'un coupable, c'est-à-dire de le rendre coupable de faits illégaux, et je ne peux pas être plus clair que Ouais, donc ça. là, Et en vous? l'occurrence, la consommation de drogue, c'est ça? Oui, c'est pas illégal? C'est pas illégal? D'accord, C'est d'accord. pas illégal? Je vous pose la question. Tentative de rendre quelqu'un coupable de consommation de drogue Oui. jusqu'à présent. Pour vous, c'est pas illégal? Bah là, ce que vous m'annoncez, non. Non, non, on est d'accord. Pardon? L'infraction, vous dites, n'existe pas. L'infraction, c'est-à-dire donc l'objectif en fait, donc s'il y a une personne. Pas d'infraction pénale, en fait. Monsieur. Tentative. C'est quoi que vous avez dit? Tentative de me rendre coupable. Tentative de le rendre coupable d'une infraction pénale. Et en l'occurrence, c'est la consommation de drogue. Il a reçu un message d'un inconnu Sur WhatsApp. qui essaye de lui faire croire qu'il consomme de la drogue. Voilà. Vous en consommez pas de la drogue, vous êtes sûr? Pourquoi? Vous consommez de la drogue? Vous consommez de la drogue? Je viens pour me plaindre d'une tentative et vous me demandez si je consomme de la drogue? Mais d'après ce que vous nous racontez, on se pose des questions. D'accord. Non, est-ce que. Non, mais attendez. Oui. Là, vous venez parce qu'il y a quelqu'un qui vous a envoyé un message Oui, voilà, c'est ça. en faisant passer pour un drogué. Oui, voilà, c'est ça. Que vous ne connaissez absolument pas. Oui, voilà. C'est rien, il n'y a rien de grave. Non, bah non. D'accord, ok. Non, bah, de toute façon, après, il peut vous expliquer ce qu'il voulait, bloquer le directement sur WhatsApp, et puis voilà. D'accord, ok. Non, je pensais que c'était une infraction, en fait.